Mais nos souvenirs avec panache et lueur dans le noir. Je t'en sens quand tu te m'attaches. Je t'aime trop pour t'empêcher de t'élever. En la vie j'en veux de nous avoir séparés. Même si c'est trop, je suis obligé. Je me dois d'accepter. Plus de larmes que d'encre ont coulé sur ce cahier. Rien ne vaudra ces moments qu'on semble passer. Il me faudra plus d'une existence pour les effacer. Les larmes sont en présence du tout puissant en échange de ce qu'il t'a pris. Dis-moi, est-ce que tu entends? Est-ce que tu ressens? Celui que tu croyais parti. Mes souvenirs à jamais disparaissent. C'est un plaisir que les images de mon père en paraissent. Le jour des mots me fait sourire, je n'ai pas de tristesse. Même si ce monde est dépourvu de charme et de toute noblesse. I'm so-